Livre 2, l'ordre est rétabli. À l'obéissance passive des soldats de la Révolution qui luttaient pour conquérir la liberté, Victor Hugo oppose celle des généraux de Napoléon III payés pour assassiner la liberté. Histoire, qu'en dis-tu? Les vieux dans les batailles couraient sur les canons vomissant les mitrailles. Ceux-ci vont, sans trembler, foulant aux pieds, vieillards sanglants, femmes mourantes, droites au crime. Ce sont deux façons différentes de ne pas reculer. Pour apprécier la chute du poème, on se souviendra que Vidocq était un ancien bagnard qui, au XIXe siècle, dirigea la brigade de sûreté française. Cet homme fait venir, à l'heure où la nuit voile Paris dormant encore, des généraux français portant la triple étoile sur l'épaulette d'or. Il leur dit « Écoutez, pour vos yeux seuls j'écarte l'ombre que je répands. Vous crûtes jusqu'ici que j'étais Bonaparte. Mon nom est Guet-apens. C'est demain le grand jour, le jour des funérailles et le jour des douleurs. Vous allez vous glisser sans bruit sous les murailles, comme au fond les voleurs. Vous prendrez cette pince, à mon service usée, que je cache sur moi, et vous soulèverez avec une pesée la porte de la loi. Puis, hurrah, sabre au vent, et la police en tête, et main basse surtout, sur vos chefs africains, sur quiconque est honnête, sur quiconque est debout, sur les représentants et ceux qui représentent, sur Paris terrassé, et je vous paierai bien. » Les généraux consentent. Vidocq eut refusé.